Stéphane Echer. Écoutez, écoutez, c'est le lundi VIP de Trévis. C'est de l'acoustique. C'est de l'acoustique. Une exclue Europe 2. Le lundi sur Europe 2. 19h-20h. C'est VIP. C'est des histoires de chambres d'hôtel, de jambes, de filles, de regards, de silence, de matin. C'est les mots de Philippe Djian, souvent, ou celui du Bernois plein de mystères. Accompagné de musique qui dépendent beaucoup de la dernière rencontre qu'il vient de faire. Un joueur de cloche, un accordéoniste, c'est un mec qui est tout le temps en voyage. Et il s'est arrêté ici pour une heure de live et d'interview avec vos questions mail aussi pour Stéphane Echer. Willkommen zu Hause. Grüezi. Wie geht's? Nicht schlecht. Je lui ai demandé comment il m'aimait, il m'a répondu comme un dingue. Hôtel S, ça regroupe des titres plébiscités par tes fans sur Internet, c'est ça l'histoire? C'est ça l'histoire, oui. Combien de titres en tout? Il y a le spécial... 19 ouais. Ou 18, je ne suis pas sûr, ça manque la chance. Il y a un collector et il y a un normal. Ah non, moi je parle seulement du normal. Non, c'est parce qu'on a essayé de refaire un hôtel... 19 titres, 19 étages. Oui, mais finalement, c'est 18 titres, parce qu'on n'a pas fait la chanson numéro 13, parce que dans les hôtels, il n'y a pas la chambre numéro 13. C'est vrai, oui. La chambre maudite. Et pourquoi tu parles si pas bien le français? Ça fait longtemps que tu viens. Moi, je parle très bien le français. T'es arrivé en 83? La première fois en France? Oui. Non. 80. Parce que mon français, je l'ai fait parce que j'étais amoureux d'une fille qui habitait à Paris à la fin. Elle vient de Berne, elle a fait des écoles ici. Et chaque deuxième week-end, j'ai pris le train pour venir ici. Parce que vous dire, je vous détestais. C'est vrai? Parce qu'elle ne voulait plus revenir. Par exemple, tu vois, j'ai mis 10 ans à comprendre que tu déposais sur une chaise les chenals du matin. Je me disais, comment il fait pour sur une chaise? En fait, quand c'est je un journal. En Philippe Djian, je chante très bien. Mmh. Je chante excellemment bien. Dis le journal du matin. Le journal du matin. Mais quand tu chantes, tu dis le chenal du matin. Oui. D'accord. Je suis coupable. Qu'est-ce qui va arriver maintenant? C'est ce qui fait ton charme aussi. Voilà, finalement. Donc, quand même 1 million de trucs comme ça vendus. Déjeuner en paix. Oui. Tu nous le fais en live? En live, c'est la version 2001 parce que ça fait longtemps que je ne le joue plus. Parce qu'à un moment, je ne pouvais plus, je l'ai trop joué. Et là, tout ce qui se passe, j'ai revu les textes de Philippe et je trouve que c'est encore très actuel. Je le fais un peu comme je me sens aujourd'hui dans ce monde. Déjeuner en paix, en live, dans le couloir. Stéphane... À côté de la machine à café. C'est le lundi VIP de Stéphane Echer. Une heure d'acoustique, seulement sur Europe 2. Lundi VIP, VIP, VIP. L'exclu Europe 2. Cette fois je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête. Est-ce que tout va si mal? Est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant. Elle me regarde à peine. Rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Le chemin du matin, les nouvelles sont mauvaises, tout que viennent. Vois-tu qui va neiger, me demandait soudain. Me feras-tu un bébé pour Noël? Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. ce point sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin je la permets, déjeuner en paix. Déjeuner en paix, c'est le lundi VIP de Stéphane Echer. J'ai adoré cette version. Ok. Stéphane, les textes de Philippe Jean, ils sont pas si loin des tiens en fait. Je ne sais pas, moi. Dernièrement, on a eu un dîner où on a décidé, il y a Philippe Jean, Stéphane Echer et puis Philippe Echer ou Stéphane Jean. Ça veut dire si on fait quelque chose ensemble, on crée une troisième personne. Et ça, je trouve assez juste, assez vrai. J'ai trouvé une seule petite différence, peut-être. C'est que Philippe, il dit presque jamais « je », mais « il » ou « elle ». Toi, tu dis « je ». Si on analyse ça dans les années 20, en Autriche, allongé, quelqu'un qui fume une pipe à côté, je dirais que Philippe... Il cherche le détail et moi je... Disons comme ça, Philippe regarde dans la tasse et moi je lève la tête et je regarde la cuisine et même par la fenêtre. Voilà. Et il paraît que vous avez fait un pacte ensemble, c'est de jamais employer le mot amour. Oui, qu'on a brisé violemment avec une chanson qui s'appelle « Ce peu d'amour ». On peut écouter aussi à côté de la machine à café. On va l'écouter maintenant. Oui, moi, je trouve live tout à l'heure. Le mot amour est trop utilisé. Et ça fait plus d'effet, je trouve. Mais d'ailleurs, à propos de l'amour, toi qui ne crois pas à l'amour, tu dis c'est des conneries, ces chansons qui disent « I will always love you ». C'est n'importe quoi. Ouais, c'est n'importe quoi si tu as un certain âge, si tu as 17 ans. Quand j'étais amoureux, la première fois, c'était pour toujours et même plus longue. Après un certain âge, tu remarques que dans la vie, il n'y a rien qui est pour toujours, malheureusement. Ou peut-être heureusement, je ne sais pas. Comme ça, l'être humain peut évoluer. Non, tout a une fin. Sauf le saucisson, il a deux. Le saucisson quoi? Non, il y a un proverbe en Allemagne qui ça veut dire tout a une fin, un bout. Ou ouais. Sauf le saucisson, il a deux. Mais c'est un saucisson vachement long? Non, tu comprends pas. Voilà, l'Europe, il faut encore un peu. C'est vrai, ça va. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Du saucisson. Ouais. Ok. Si la musique n'existait pas, t'aurais été quoi? Je ne sais pas. Comment tu me vois? Qu'est-ce que tu aurais? Je ne sais pas. Bah, moi, je pense cinéaste, parce que c'est des études que t'as fait, mais je me trompe. Non, c'est trop lourd, le cinéma. Il y a trop de gens qui ont des influences. C'est trop lourd. Beaucoup trop de sous aussi à gérer. Moi, j'ai arrêté ça assez vite. Mais sinon, je t'aurais vu peintre ou artisan ou sculpteur, quelque chose. Oisie, ça me va très bien. Ou boulanger, ou jardinier. Ou... Un truc comme ça. Voilà. Avec les mains. Et les pieds. C'est toi qui fais la programmation, puisque c'est ton émission. Ton lundi VIP, t'as choisi d'écouter Train. Oui. Et tu viens de découvrir à peine, en fait. On l'a écouté dans le studio. Comme ça. Moi, je, de temps en temps, la nuit, je réécoute la radio, je regarde la télé. Et puis, il y a quelque chose qui me plaît et je note. Et une fois, dans un de mes petits journaux, j'ai vu Train. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire le train, un groupe. Bonsoir, on est les trains. Oui. Je trouvais ça pas très... Et... J'ai vu ici que vous avez ce disque, j'ai écouté pendant 32 secondes et j'ai trouvé ça très bien. Alors, Train Drops of Jupiter, c'est le lundi VIP de Stéphane Echer. Turn them. time I stay on the moon. She listens like spring and she talks like June. Acoustique. Europe 2, lundi VIP. Train, Drops of Jupiter, c'est le lundi VIP de Stéphane Escher. Hotel S, c'est un album qui regroupe de façon un petit peu chronologique aussi tes musiques. Et je dis bien tes musiques parce que elles ont vraiment évolué et changé au cours du temps. Au début, tu faisais une musique... C'est gentil, le mot évoluer. Non, mais c'était un peu... Tu sais comment ça s'appelle cette musique qui faisait... Partenaire, party, kid. C'était un peu New Wave au début. Oui, oui, c'est ça. Punk, New Wave. Là, j'ai un extrait, là, on peut l'écouter. Oui, on peut l'écouter. Non. Ouais. C'est la chanson bleue. Ouais, mais c'est même c'est mon troisième disque. Avant c'était encore plus. Comment tu fais? C'est quoi partenaire? C'était le premier titre français New Wave. De qui? Bah, ça s'appelait Partenaire Particulier. Ah, ouais. Deux Partenaires Particuliers, qui étaient un groupe. Ils sont pas cherchés loin. Hein. Pas d'amis comme toi, j'ai découvert que c'était pas d'amis au masculin. Moi aussi. Que tu penses pas que c'est. Toi aussi, t'as découvert? Oui, oui, moi j'ai trouvé ça. Moi j'ai appelé et j'ai dit, mais Philippe, ça manque un nœud. Il dit, non, non, c'est comme ça. J'ai dit, est-ce que tu crois pas que c'est une lettre d'amour pour toi qu'il t'adresse? Pas d'amis comme toi? Non, attends, il regarde les jambes, les cheveux, le parfum, tout ça. Et non, alors, on peut regarder ça d'un homme? Philippe Tian? Bah, oui. Je vais aller demander pendant le... Je regarde. Pendant le dîner. Je joue un peu avec mes cheveux. Non, non, je crois pas. Non, après, on a discuté de ça. Il m'a parlé que l'amitié entre hommes, c'est une chose très spéciale qui arrive presque jamais avec une femme. Une amitié entre... C'est étrange, les hommes. Et là, il voulait aller plus loin. Il voulait dire, avec cette femme, j'ai une amitié d'homme, presque. En plus, elle me trouble. Il y a ce côté d'accord. Un peu séduction sexuelle dedans. Et je connais ça bien. Moi, j'ai toujours eu des amies femmes qui n'étaient même pas comme des sœurs. C'était vraiment comme des potes. Comme. Et il y a toujours, oui, naturellement, il y a toujours ce moment que tout à coup... Ce sont la femme, c'est une geste qui nous trouble après. Je trouve qu'il a cette chanson, il a très bien dessiné ce moment. Oui, il t'a expliqué ça comme ça. Moi, je pense qu'il est amoureux. Oui, enfin. On va voir. Chérie. On va faire une petite pause pub et juste après, il y aura New Order. A tout de suite. Au revoir. Europe 2, 19h-20h. Lundi VIP, Stéphane Echer. Dans l'entreprise où elle travaille, personne ne la remarque. Ça fait 3 ans que je travaille ici, ça fait 3 ans que je fais la bonne, ça suffit. Lui, il n'est pas tout à fait du même monde. Je suis à Fleury, j'étais à la centrale. À la centrale de quoi? Centrale des particuliers. Elle a un don caché. Je lis sur leurs lèvres. Pour gagner beaucoup d'argent, il est sur une affaire excitante, mais très risquée. Sur mes lèvres, avec Vincent Cassel et Emmanuel DeVos. Sur mes lèvres, signé Jacques Audiard. Actuellement au cinéma, avec Europe 2. Alors, qu'est-ce qui se passe, mon petit Jean-Louis? Eh ben, docteur, j'ai des problèmes de vue. Je viens de voir une affiche qui disait qu'avec France Télécom, c'est 70 centimes la minute d'un fixe vers un mobile Orange ou SFR. Ah oui? Je vais voir ce que je peux faire. Non, ce ne sont pas ses yeux. Pour 10 francs par mois, avec Option Plus, vous profitez des meilleurs prix de France Télécom pour vos appels fixes vers mobile, quelle que soit votre ligne. Et pour vos communications locales? Vous avez tout compris avec Ma Ligne Locale, à partir de 130 francs par mois pour 3 heures. Prix en heure creuse au-delà du crédit temps d'Option Plus. Pour le prix vers un mobile Bouygues Télécom, contactez votre agence. Offre soumise à condition. Non, ce ne sont pas vos oreilles. C'est bien France Télécom. Et c'est bien 70 centimes la minute fixe vers mobile. Quand vient l'hiver, vous pensez, et c'est bien naturel, à changer le réglage du chauffage, à changer de garde-robe, à changer d'heure. Et vos pneus, vous y pensez? Bien sûr, vous pensez à changer vos pneus été en pneus hiver. C'est même déjà fait, non? Jusqu'au 31 décembre chez Volkswagen, profitez des offres spéciales pneus hiver, offre valable chez les concessionnaires participant à l'opération. Vous cherchez un nouveau job? C'est ça. Mais c'est long, les réponses tardent. Bah c'est oui. Bref, c'est pas très motivant. Bah non. Et imaginez que ce soit les entreprises qui viennent vous chercher. Quoi? Avec Stepstone.fr. Hein? Sur Stepstone.fr, enregistrez votre CV et les entreprises qui vous intéressent vous contactent directement. Stepstone.fr, la référence du recrutement sur Internet. Alors c'est l'histoire d'une jeune tortue qui vient voir l'écureuil de la caisse d'épargne. Bonjour écureuil, t'aurais pas un plan pour assurer la maison que j'ai sur le dos là? L'écureuil lui répond, j'ai une assurance multirisque habitation formule jeune à 3,05€ par mois et c'est à ta portée ça. Super, fait la tortue. Et pour te remercier, passe prendre un petit verre de ce soir dans ma carapace. Dans ma carapace. À tous les moins de 25 ans, la caisse d'épargne propose son assurance multirisque habitation formule jeune à 3,05€ par mois pour un studio ou une pièce de moins de 30 mètres carrés. Caisse d'épargne, première banque des jeunes. Mais enfin vieux, hier t'étais blanc comme un linge, ce matin t'es bronzé comme tout. Tu voyages la nuit toi? Tu crois pas si bien dire. Si tu savais, la Patagonie, l'espace, la couleur du ciel, c'est tellement merveilleux. Ah, parce que monsieur était hier en Patagonie. Et Istanbul, le grand bazar. Et les Seychelles, des fonds sous-marins. Escale, 7 jours sur 7 de 8h à 2h du matin. Parce que le monde est inépuisable, Escale vous l'offre sous ses 1000 couleurs. Il n'y a pas de grand voyage sans Escale. Escale est une chaîne AB Group disponible sur TPS, Canal Satellite et NOS. Europe de Besançon, 100.4. Tous les jours, le KGB vous présente le meilleur de la pop sur Europe 2. Le Lounge, le club 3040 du KGB, vous met le feu tous les jeudis, vendredis et samedis pour vous rappeler les soirées chaudes de vos vacances. Au programme, années 70, 80, disco, rock et salsa. Et dès le mois d'octobre, les soirées à thème reviennent au Lounge pour des ambiances de folie. Aujourd'hui, un franc, c'est quoi? C'est rien, à part chez Chausseland. Ah oui, là, un franc, c'est carrément énorme. Imaginez un peu, vous achetez 2 paires de chaussures. Et la troisième paire, c'est combien? Et oui, 1 franc. Chez Chausseland, du 20 octobre au 17 novembre, vous achetez 2 paires de chaussures. La troisième ne vous coûte 1 franc. Offre valable sur les modèles portant le macaron 2 égale 3, voire conditions en magasin. Chausseland à Besançon, Zach Château-Farine à côté de Kiabi. Ce téléphone va me faire craquer. Connecte-toi, navigue sur le WAP et envoie ton SMS. Sois un fantôme moderne. Mais d'où tu sors ça? Internity. En ce moment, chez Internity, le Trium Cosmo est à 1 euro avec un forfait 1 heure. En plus, c'est le plus léger du monde. 1 euro, un téléphone ultra plat, ultra léger, mais s'il vole de suite. Chez Internity, le Trium Cosmo est à 1 euro avec le forfait 1 heure d'Orange. Et pour fêter Halloween, venez participer au grand jeu gratuit pour gagner des centaines de cadeaux chez Internity, voire conditions en magasin. Internity, centre commercial. Château Farine à Besançon. Les 10 jours anniversaires chez Full Compact. Full Compact. Achat, échange et vente de CD, DVD et jeux PlayStation. Full Compact, c'est 3 CD pour 150 francs. Alors du 23 au 31 octobre, venez profiter des 10 jours monstres. Chez Full Compact 1, 9 rue d'Arène et Full Compact 2, 10 rue Pasteur à Besançon. Happy birthday to you. Mais Isa, ce n'est pas mon anniversaire. Oui, je sais, l'élu a un an, c'est loin d'être ton cas. Mais de quoi tu parles? C'est le premier anniversaire du plus grand resto chinois de Besançon. We're like crystal. We break pieces. I'm a poor man. If you leave me, I'm a flawed. Then forgotten. It was summer. Now it's autumn. I don't know what to say. You don't care anyway. I'm a man in a rage. With that girl I betrayed. Here comes love. It's like honey. You can't buy it with money. Not alone anymore. You shut me to the core. You shut me to the core. Sur Europe 2. Lundi VIP, VIP. L'exclu Europe 2. New Order, Crystal, c'est le choix de Stéphane Escher qui fait son lundi VIP. Comment s'est passée la rencontre avec Philippe Dian? Tu as dû le raconter 100 fois, mais j'ai jamais entendu. Tu veux la vérité ou tu veux une vraie bonne histoire? Une vraie bonne histoire qui soit proche de la vérité. Ah oui, ça va être ça. Non, c'est grâce à Antoine Decaune qui, quand je suis venu en France faire de la musique, qui était un des premiers qui a réagi, parce que j'ai un grand accent quand même. Et puis, il faisait Rapido. Ouais, rapido. Et puis, à un moment, il a dit, j'en ai marre un peu seulement les musiciens, je trouve aussi que la littérature, c'est quelque chose que les jeunes adoraient. On parle des années 80, aujourd'hui c'est fini. Il faut faire un truc sur la PlayStation ou quelque chose comme ça. Et, mais dans le temps, la littérature, c'était quelque chose qui était à la mode. Et il voulait faire une spéciale Villichan. Et Philippe, il a demandé, est-ce que tu veux pas rencontrer un musicien que tu voulais toujours rencontrer, parce que rapido, c'est quand même la musique mélangée avec la littérature pour cela. Et il a dit, ok, il y a un mec que j'adore. C'est le plus grand. Il est incroyable. Je suis vraiment le plus grand fan de lui. Je veux le rencontrer devant les caméras pour rapido. Et c'est Leonard Cohen. Oh! Et Leonard Cohen ne pouvait pas. Qui est devenu moine bouddhiste. Peut-être, c'était le train, il a pris. Et puis Philippe a dit, ah, merde. Il dit, ah, il y a un Suisse que j'ai écouté une fois qui pourrait être marrant, Stéphane quelque chose. Et j'étais le deuxième choix et on est devenus amis. Un ami de deuxième choix. Et là, voilà. Voilà, je suis le deuxième choix. C'est pas toujours mal d'être le deuxième choix. J'ai un email d'Amélie pour toi. Ouais. J'aimerais savoir de quel pays tu te sens. De quel pays je me sens? Je travaille pour les impôts? Oui. Je me sens suisse. Non, c'est une question qui est un peu étrange pour moi. Moi, je suis grandi en Suisse, je veux dire, j'ai beaucoup de choses suisses en moi. Mais je suis pas si enfermé sur un truc. Non, mais je suis suisse, voilà. T'es avec suisse. Un accent comme ça, qu'est-ce que tu veux? Je suis ukrainien. Voilà. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez toi? Chez moi, personnellement, ça te regarde? Oui. Qu'est-ce qui t'énerve chez toi? Oh, que j'ai pas de limite. Ça t'aimes pas? Non, c'est fatigant. Je sais que tu passes beaucoup de temps au choix et aux enchaînements des chansons sur les disques et que même, il paraît que tu réfléchis au temps de pause entre les chansons. C'est vrai, ça? Ah oui, ça, c'est la moindre des choses pour les fans. Moi, j'essaie de faire un disque qui fait sens, pas seulement chanson, qui ajoute à chanson. Et non, je travaille. Normalement, j'ai choisi une semaine où des autres font un mix. Je prends une semaine pour faire ça. Oui. Et tu fais des pauses très longues parfois? Très longues ou très courtes, ça dépend, oui. Ou j'ajoute même j'enregistre des silences dans des églises ou dans des gares vers 5h le matin ou dans des tombes. Et de temps en temps, j'ajoute ça parce que le digital du CD, je trouve très froid. Ouais. Tout à coup, il n'y a plus de son, il n'y a plus rien. Et j'ajoute des espaces comme ça. Tu adores le silence, tu as fait une chanson qui s'appelle Silence. Moi, je trouve dans ce temps qu'on vit, le dernier luxe, c'est le silence. Je crois que l'ultime musique, c'est devenu le silence. Rien contre Europe 2, hein. Mais je trouve le silence, c'est quelque chose qui va être une fois très cher. C'est comme l'eau ou le pétrole. Le silence va être cher un jour. Tu vas interpréter ce peu d'amour en live dans le couloir, près de la... Machine à café, même machine à thé, comme j'ai vu. Ouais, et Deka aussi. Deka aussi. Est-ce qu'elle fait soupe? Non, il n'y a pas de soupe. J'adore ça, c'est l'autoroute, la soupe à tomates. Ouais, tu sais, moi aussi, j'adore. Et si quelqu'un a pris un café avant, il y a encore un petit... Ouais, c'est vrai. Avec la petite touillette, parfois, tu peux l'avaler. Quatre étoiles. Oui, si tu ne fais pas attention. Ah oui, tu connais. Bah ouais, à fond. Attends, voilà, imaginez, je suis dans une autoroute, on avale des petits bouts de plastique et on chante ce peu d'amour. Comme ça. Oui. Ce peu d'amour. Ce peu d'amour, c'est le lundi VIP de Stéphane Escher. Le lundi sur Europe 2, 19h, 20h, c'est VIP. C'est VIP. Yeah. sont-ils de trop pour un seul homme? Sont-ils de trop venant de toi? Prends garde que je ne me lasse que ton jeu. Stéphane Echer fait son retour et son lundi VIP. Une heure de live, juste avec Marie Lecoq et vous. Vous venez d'entendre Ce peu d'amour par Stéphane Echer en live, dans le couloir, près de la machine à café. Oui. Est-ce que tu te souviens, Stéphane, de ta première émotion musicale? Oui, seulement, oui. Je te le chante? Oui. C'était le cœur de ma mère, je crois, non? Mais voilà, mais t'as raison, parce que je me suis dit la dernière fois, pourquoi les êtres humains aiment la musique? Pourquoi on est si sensible aux basses? Et je suis sûre que c'est à cause de ça. C'est ça. Moi, je suis sûre aussi. Que même le 4-4, que 1, 2, 3, 4, ou la musique techno, tout ça, c'est nos mères qui ont pris des drogues un peu trop fort, qui ont bu trop de café dans votre couloir. Bon. Non, moi, je sais ça qui est chez moi. Donc, il y a ta mère et Patti Smith un peu. Ma mère, c'est Patti Smith. Ah, merde. Patti Smith en concert. Patti Smith en concert. Moi, j'ai trouvé ça fort. J'ai trouvé ça une émotion. Patti Smith, je l'ai vu, j'étais 16 ans, je crois. J'ai quitté ma famille pour Patti Smith pour aller voir son concert à Hambourg, qui est quand même de Berne où je suis grandi, 1200 km. C'est loin. Et puis. On dit j'ai grandi. On dit j'ai grandi. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit je suis grandi. Tu fais exprès de toute façon. Tu fais Non. Je suis Jane Birkin. Ma mère, c'est Patti Smith et je suis Jane Birkin. Tu n'as pas bien appris ton petit texte. On est où là? On est dans Patti Smith. Encore une fois, je suis grandi. J'ai grandi. J'ai grandi. Oui, ça me semble juste. Compète après moi. Ding. J'ai grandi. Non, t'as dit sur Patti Smith que si elle arrivait à toucher si profondément les gens en jouant moins bien que toi de la guitare, tu pouvais le faire aussi. Je n'ai pas dit dans un français si bien, mais dans le sens, oui. Ouais. Je l'ai vu, elle jouait deux accords. Moi, je connaissais trois. J'ai dit, il y a une future pour moi. Stéphane, j'ai une question pour toi. Bizarre, qu'est-ce que tu as dans les poches? J'ai dans mes poches des médiateurs. Mmh. Un mouchoir. Et puis ça c'est quoi, comment ça s'appelle, hein? Un truc pour les lèvres, un stick, un baume. Oui, parce que je suis un skieur. Mmh. Et qu'on skie, on a besoin toujours parce que ça nous craque les lèvres. Tu skies pas là, à Paris? Mais on sait jamais. Au mois de mars dernier, l'hôtel Est va être démoli. L'hôtel qui a vu naître l'album Egelberg. Alors tu y as fait un concert avant la destruction, ça devait être horriblement triste comme ambiance. Non, c'est encore allé parce que on a organisé une dernière soirée avec tous mes amis ou même les clients un peu de l'hôtel. C'était un mélange et je voulais faire une grande soirée avec une grande bouffe. Vider le. Une grande pouffe? Bouffe, bouffe. J'ai compris une grande pouffe, vraiment. Non, tu écoutes pas bien. Et ça, non, ça allait, parce qu'il y a eu de la fête, il y a les gens qui ont mangé, il y a eu des soulards qui sont tombés de la chaise et tout ça, tout était normal. Mais après, j'ai fait une chose qui était plus dure, c'est je suis reparti pour refaire le clip de Elle vient me voir. Ouais. Et je le faisais pendant la destruction. Oh. Et ça c'était dur. Moi, ouais. Je ne suis pas resté jusqu'au bout. Je me cassais quand j'ai fait mes scènes. Parce que toutes ces pièces que j'étais sans moquette, sans les lampes, totalement avec des choses arrachées. Ça c'était dur, oui. Ça c'était dur. Et quand tu revois le clip pendant la destruction, j'aime tu ressens pas, la même pas. Chose. Et tout est très gris. Même moi, on voit que je ne suis pas bien. Quoi. Je suis un papy là qui est. On voit ça, on voit bien l'ambiance. Et puis je voulais pas des acteurs, je voulais la plupart des gens qui jouent, c'est vraiment des gens qui étaient proches là-haut, qui jouent ces rôles. Et, non, c'est dur. Mais je trouvais bien. Je trouve ça rarement que pendant un clip, tu as vraiment un bout de ta vie. Et moi je recherche ça dernièrement. Pourquoi il a été démoli cet hôtel? Quoi ça s'est arrêté? C'est un style d'hôtellerie qui se fait plus, quoi. C'était des espèces de grands hôtels, des palaces comme ça, quand. Après la Deuxième Guerre mondiale, ça commençait quand les rois et les princes sont plus venus. Et non, Engelberg, c'est pas Saint-Maurice, c'est pas. Ouais. C'est un peu. C'est sur 1000 mètres, il n'y a pas toujours de la neige. Il y a des vaches, mais on ne peut pas sortir, il n'y a pas grand-chose. Quoi. Et comme ça, cet hôtel, il était dépassé, trop cher à rénover. Et tu as fait des centaines et des centaines d'hôtels comme ça, notamment à la Colombe d'Or, à Saint-Paul-de-Vence. Ça, c'est encore là, j'espère. Oui, c'est encore là où se sont aimés Yves Montand et Signoret. Oui, oui. Que j'ai fait dans leur maison, j'ai fait un disque qui s'appelle Mille Vies. Tu as fait l'hôtel Coste, où tu as rangé début, un CD. Au début, quand c'était ouvert, c'était Antoine Decon qui me disait je voulais venir à Paris travailler. Il dit, écoute, j'ai un ami qui a un hôtel qui ouvre, il n'y a personne, c'est très beau, c'est incroyable. Et je suis allé, c'était vraiment Antoine et moi qui étaient des clients. Ils ont créé un peu des travaux, l'ascenseur n'a pas toujours marché, le service n'était pas toujours là. Et puis c'est devenu un des hôtels les plus branchés de Paris. Dans Hôtel S, oui. Y a un petit livret qui accompagne, enfin un petit livret, tu écris à chaque fois les émotions et tous les voyages que tu as fait, les rencontres pour chaque chanson. Elle vient me voir, c'était lors d'un voyage à Carcassonne, hôtel de la cité, c'est ça? Oui. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux te dire, dis-moi. C'est que j'ai l'impression que tu n'aimes pas trop enregistrer en studio et que tu fais tout dans les hôtels. Oui, moi je trouve les studios, c'est des lieux pas très créatifs. Et je dis à un moment autour du Engelberg, pourquoi je ne fais pas mes albums comme je fais mes maquettes avec mon matériel. La maison disque a eu peur au début, mais après c'était Engelberg, je crois, mon plus grand succès. Mmh. Et depuis là, il me laisse tranquille. Enregistré dans un casino désaffecté. Ouais, ouais. Et tu nous le fais là, en live à la maison, elle vient voilà, me voir. Par exemple, vraiment dans le couloir, à côté de la machine à café. Stéphane Escher, dans le couloir, fait son lundi VIP, elle vient me voir en live. Une star, sa guitare, et vous, lundi VIP, deux. Elle vient me voir, et prendre soin de ma santé. Elle m'a laissé tomber. Je suis devenu son pauvre ami, celui qu'elle chérira toujours, qu'elle sert contre sa poitrine comme Jésus tendre et sublime. Baissant mon front et mes paupières, jurant que la vie est amère. Eh bien, voilà. Avec moi, depuis qu'elle a ce qu'elle n'avait pas, je ne suis plus sa mauvaise étoile, ni son désespoir, ni son drame. Me regardant travailler, elle dit n'avoir jamais, jamais douté quand mon poulon viendrait. Cependant, qu'elle ne pouvait plus attendre. Il a des très jolis soupirs quand la nuit tombe, qu'elle va partir. Ne mélange pas tout, me dit-elle. Je ne me sens pas pousser les ailes. Si seulement elle disparaît, je crois qu'elle n'a aucun regret. Nous ne sommes ni des saints, ni des anges. Il n'y a que la lumière qui change. Et viens me voir. Je crois qu'elle n'a aucun regret. Nous ne sommes ni des saintes, ni des anges. Il n'y a que la lumière qui change. C'est le lundi VIP de Stéphane Escher. Vous venez d'entendre « Elle vient me voir » en live dans le couloir. Avec la machine à café à côté. À côté. Quelle langue tu préfères parler? Ah. J'ai presque un peu rougi. Quelle langue je préfère? Tu te sens mieux à parler allemand, français? Ah non, l'italien, c'est anglais. Le plus beau. Tu parles italien? Non, pas du tout, ah, mais c'est le plus beau. Quel je préfère? Pour parler, non, c'est sûrement le suisse qui est le plus simple pour moi. C'est comment? Das ist ja für Schweizer Berndeutsch. Berndeutsch ist die, wo ich am meisten kann reden. Weil ich so aufgewachsen bin. C'est un peu comme l'allemand, en fait. Bah non, il y a des mots allemands dedans, mais non, les Allemands ne comprennent pas. Ah bon? Les Suisses sont pas des germanophones. Mm-hmm. Même les Suisses allemands, c'est... Non, c'est un peuple, je ne sais pas où il vient. Des Celtes, je crois. Mais c'est vrai que nous, on confond un peu tout ça, d'ici. Non, nous, peut-être parce qu'à l'école, parce que notre langage, elle est seulement parlée, parce qu'il y a trop de dialectes. En Suisse, ça veut dire, à un moment, ils ont dit, ok, on apprend l'allemand en Suisse, Allemagne. Et comme ça, les gens pensent qu'on parle l'allemand, mais c'est seulement le téléjournal et en allemand, des choses comme ça, parce qu'on a trop de dialectes. Bon, pause maintenant. Ou rembourse maintenant en Stéphane Cher. On se retrouve dans un instant avec un autre titre live de Stéphane. Europe 2, 19h-20h. Lundi VIP, Stéphane Cher. Quand on est une toute petite entreprise. Fait son lundi VIP. Je n'ai pas l'ami comme toi. Non, non, non. Le son pop. J'ai un email de Pat. Mm-hmm. Est-ce que c'est vrai que tu avais un groupe punk et que tu faisais des concerts de perceuses, aspirateurs, batterie et guitare interrompus par la police? Oui, c'était les Noise Boys. Ouais. Et on a même eu un solo de pain dur avec perceuse et marteau piqueur. Mm-hmm. On a eu ça. Le propriétaire du sol n'a pas beaucoup aimé. Et le pire, c'était le Destruction Mouse. C'était un... les enfants, de temps dans des voitures, quand ils se cognent dans le mur, ils tournent. Hein? C'est une espèce de jouet. Ouais. Tu mets une batterie et la voiture, elle fonce. Oui, et quand elle tape, elle tourne. Et nous, on a pris des voitures comme ça, on a mis des lames de rasoir devant. Mm-hmm. On a laissé dans le public avec des microphones. C'était un succès. Et les gens, quoi, faisaient... Ils hurlaient, ils tapaient dessus. Et c'était pas grave, parce que quand ils frappaient dans les bottes ou quelque chose... Ouais, ils se reculaient. Ça faisait pas mal. Et ça, c'était, oui, c'était un peu ça, notre instrument. Et comment t'as trouvé, comment t'es passé tout ça, toute cette époque, à ta musique et toi? Je pouvais pas vivre avec ma musique comme ça. Je cherchais une musique que je peux vivre. Non, mais c'est... Ah, moi, j'étais quoi, 16 ans, 17 ans. Moi, j'ai commencé la musique pour gagner ma vie assez tard. Quand je suis devenu papa, tout à coup, je me dis, j'étais 24 ans. J'ai dit, il faut peut-être trouver maintenant un boulot pour payer. T'as beaucoup d'enfants? T'en as deux. Two people in a room. Voilà. C'est une chanson de mes enfants qui sont dans une chambre. Non, c'est toi qui l'as écrit, cette chanson. Oui, oui. Il y a longtemps? Ouh là là, oui, je crois, 85, 6, quelque chose comme ça. Oui, mais ça va encore, hein, c'est pas changé. Hein, c'est un texte que tu trouves encore actuel? Absolument, absolument. Comme ceux de Philippe. Voilà. Two People in a Room, c'est une version live. Je l'ai fait pour toi exprès. Oui. Parce que tu m'as demandé et j'ai pas amené mon sampler qui fait normalement le bruit derrière. Tu l'as fait pour Albert et moi. Albert c'est un animateur de Pop Connexion du soir. Il me tirait sur le t-shirt pour que tu la fasses. Si ça sonne pas très bien, c'est votre faute. Mais okay. On écoute. Two People in a Room, c'est le lundi VIP de Stéphane Echer. Sur Europe 2, Stéphane Echer fait son retour et son lundi VIP. Une heure de live, juste avec Marie Lecoq et vous. My feeling in a spoon, but to carry them to me. though my love is just from above. Won't cut down to the bone, yeah. Leave me all alone. Cause a knife is too sharp, a knife is too sharp, baby. The day I met you, took away my best, but I don't wanna fall in love with you. Cause one day, one day, one day, I sing the same sad song. People in the room, pieces of my heart, all I need tonight. Let me see if I could stop. Look at you, you look back at me, and in your eyes I can see the sea. But here they come, these waves of fear. Cause I know one day, one day, sing the same sad song. One day, just sing the same sad song. Two people in the room, two pieces of my heart. Fall in love with you. Cause one day, one day, one day, I'll sing the same sad song. De 19h20. Lundi VIP, Stéphane Echer. Eh, mais ça sonnait super bien. Ça manquait un truc, ça manquait. Ça manquait quoi? Vraiment mon simple. Ouais, mais même sans le sampler, c'était bien. Mais qu'est-ce que tu sais? Tu l'as je pas entendu. Je connais hyper bien la musique. Ouais. C'est le lundi VIP de Stéphane Echer. J'ai un copain, quand il y a un malaise ou quand c'est la fin ou qu'on s'engueule et tout ça, il fait « La pluie venait du Nord !» Et c'est devenu un délire entre nous. Je le connais, celui-là. Et là, la pluie venait du Nord parce que c'est la fin. Oui, elle vient du Nord. Et tu vas partir. Ouais. Ciao. Donc, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Qu'est-ce qui arrive là après pour toi? Là, je vais dîner avec Philippe. Ouais. Plus tard. Puis, qu'est-ce que je fais? Je vais en Allemagne. Une tournée là avec tes amis et après je retourne en Suisse. Attends que la neige arrive pour aller skier et après il faut faire un nouveau disque. Non, je ne sais pas ce qui va arriver. On verra hein. Hôtel S en tout cas, ça super, ça va rester un peu pendant que je pars. Ça va rester, ça va se promotionner tout seul. En France, tu sais qu'on dit merde pour souhaiter bonne chance. J'ai entendu cette coutume qui m'a toujours un peu choqué, mais si tu veux, lance. Merde. Ok. Oh. Merci Stéphane. Ok, merci à toi. À bientôt. Au revoir. Ciao. Ciao.